et j'en pense que mon vrai métier c'est architecte. Depuis toujours, mon seul amour c'est la musique. Et dans ma tête, y'a ces mots qui cognent, qui disent qu'il faut pas s'emballer, que la musique c'est bien beau mais que ça paie pas le loyer, que les études c'est important, qu'il faut pas laisser tomber, que le show business c'est dangereux, vois les candidats malheureux, mais moi je suis pas comme les autres, ça va marcher je le sais bien. Moi mon métier c'est chanteur, guitariste, pas technicien. Mon métier n'est pas ingénieur, le souhait de mon père, pas le mien. Elle brillait pas, non, elle n'était pas très belle. À peine touchée, oui déjà, je m'y suis brûlé les ailes. Non, elle n'était pas facile, il m'a fallu des années pour la rendre plus docile, je ne peux plus m'en séparer. J'en jouais tout le temps, oui tous les jours, j'étais jamais fatigué, si bien que mes doigts criaient au secours. Mais la tranquille s'écrit, ils avaient fait taire pour longtemps, ils ont pris bien du plaisir. Aujourd'hui ils ont 30 ans, ils savent que rien ne serait pire que de perdre leur plus belle amante, celle qui les aime et leur dit. Chercher à plaire, j'ai trop miné mon moral. Et tous ces gens pour me défaire, qui me disent que c'est pas trop mal, que ça pourrait être mieux, que ça fait pas assez pro. Mon métier c'est amateur, je me fous pas d'être le plus beau. Et puis je m'en fous si t'en veux pas, je me fous des portes qui claquent. J'ai déjà tout, une belle maison, une femme qui m'aime et ma grâce. Je ne être mieux, même si tu m'offrais la gloire, sûr que je quitterais mon boulot. Le lundi je me lèverais tard, sûr que je quitterais mon boulot, mais il est déjà trop tard. Depuis le temps que des gens pensent que mon vrai métier c'est architecte, depuis toujours mon seul amour, c'est cette musique qui est dans ma tête.